Drac ou casse arrive, sombre et fiel. Leur chant stride déchire les airs. Ils vont, ils crient, ils sauvent l'abeille. Après avoir vaincu et sanglié, leur race s'éveille. Le cybersanglier charge. Métal et rage, ses défenses tranchent comme un orage. Mais les Krakoukas noirs et déterminés, blanches d'en piquer, leurs ailes déployées. Le combat